On vient rassembler les troupes, représenter le hood. Ils ont vu qu'elle éclaire, je vais balancer la foudre. Yeah, nord, sud, est, ouest, centre. West, west, up. Plus cherche des plans. Yeah. Car la attitude, Kaira vite teinté. La classe est comme d'habitude, on tape le beat synthé. Où sont mes rebeux, mes plaques et mes bras? Les squelettes qui sortent les cloques, les cogneurs qui ont le gap. Pour mes blancs, noix, arabes et nègres. Mais Kaira est nègre, si tu parles mal, t'es dead. Yeah, dash des hauts. Les mythes en haut ont pris le crow. Pour réunir les ghettos, mec. Investir le trône. Yeah, j'accomplirai des trucs de dingue de mon vivant. Tu connais mon blast, old maintenant qui m'aime me suivre. Yeah. C'est mon style, mec, ne s'apprend pas dans les livres. Et quatre niveaux. Comme face à un gamin de 10 ans. C'est comme une nympha. Niggas. 9-2. Niggas. 9-3, 9-4, 9-5, 7-7. Niggas. Mais 7-8, niggas. Lève ta main si t'es un vrai mec de Panama. 7-5, niggas. J'traîne avec partout et niggas. Rap ça et niggas. L'amour n'a pas de race, niggas. CNL, niggas. Los Mutas, niggas. Every, niggas. Uris, niggas. J'vais dégager les planques, écarter les dents. J'vais faire parler les bandes, écraser les tombes et préparer les tombes. Faut tous qu'on s'allie. Comme Tony et Mani. Stormy et Bazzi. Plus qu'on se tape au monnaie, raclitcha. Corps à corps au sol. Droite, esquive. Coup de machette. Expédition punitive. Oh. On agit comme des bâtards et salauds. Foule contre foule, des blancs à la Seigneur des Anneaux. Yeah. Milite pour mes cailles et mes cocaïnes. Ceux qui t'as vu en coca light, pas la cocaïne. Ceux qui poussent la fonte, qui découvrent la zone. Ceux qui roulent à fond parce que ce putain de monde tombe par yeah. Lève ton schlass, lève ton gun, lève ton bras en l'air. Lady si t'es clean, lève ton string et tes seins en l'air. Et ça défouraille à la sortie des clubs. Yeah. Tous les quartiers réunis ensemble, on est plus que les gueules. Pour mes nymphas, niggas. 9-2, niggas. 9-3, 9-4, 9-5, 7-7, niggas. Mais 7-8, niggas. Lève ta main si t'es un vrai mec de Panama. 7-5, niggas. J'traîne avec partout et niggas. Rap ça et niggas. L'amour n'a pas de race, niggas. Sarcelle, niggas. Citri, niggas. Corbeil, niggas. Chez-Gène, niggas. Orly, niggas. Sami, niggas. On vient grogner comme les Grigny, niggas. Colombe, niggas. Agnières, niggas. Tu veux bander, va voir mes poncèves, niggas. Ayo, Bantin, niggas. Bagneux, niggas. Je crois que tu connais pas mes Baconnais, niggas. Mo, niggas. Muro, niggas. Va pas te fourrer chez mes va te fourrer, niggas. Pour mes nymphas, niggas. 9-2, niggas. 9-3, 9-4, 9-5, 7-7, niggas. Mes 7-8, niggas. Lève ta main si t'es un vrai mec de Panama. 7-5, niggas. J'traîne avec partout et niggas. Rap ça et niggas. L'amour n'a pas de race, niggas. Marseille, niggas. Toulouse, niggas. Strasbourg, niggas. Lyon, niggas.